Quelques grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Monique, 57 ans, qui est danseuse, handballeuse et infirmière et qui vit à Saint-Denis. Bonsoir Monique. Bonsoir. Comment vas-tu? Super bien, je suis ravie d'être là. Ah oui, bah ça s'entend, ça se voit. Alors Monique, 57 ans, je le précise, qui en fait 22 moins facilement. Je vous assure, je ne mens pas. Alors tu es beaucoup de choses, danseuse, tu l'as été longtemps et tu l'es depuis longtemps? Je le suis depuis très très longtemps, j'ai commencé mon premier spectacle à 14 ans. Waouh. Par obligation parce que ma sœur faisait des représentations avec Gérard Lavigny qui était l'ambassadeur de la Guadeloupe. D'accord, tu es originaire de Guadeloupe donc? Exactement, tout D'accord. à fait. Et donc elle m'a enrôlée un jour parce qu'il manquait une danseuse et elle m'a dit tu t'épiles, tu vas danser, tu t'apprends la chorégraphie et t'as pas le choix. J'ai dit bon d'accord, ok, j'ai pas le choix parce que c'est naturellement les autorités des grands oui, va des de aînés. Soi, des mm-hmm. aînés va de soi. Donc j'ai fait ce qui devait être fait et depuis ça a été une véritable révélation. Donc ça a été d'abord de la danse antillaise oui. parce qu'aussi j'ai été chorégraphe, j'étais chorégraphe dans des j'étais dans des associations pour enfants. Oui. Et antillaise et j'avais fait ça dans différents endroits oui. et suite à ça après je suis rentrée dans la danse brésilienne qui est ma deuxième terre parce que le Brésil c'est pour moi quelque chose de magique, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est un pays qui représente un peu comme les Antilles, c'est à peu près les mêmes principes oui. et je me retrouve quand je suis au Brésil, je me retrouve comme aux Antilles et comme et dans mes valeurs quoi. D'accord, donc c'était presque logique. C'était quoi. Logique, c'était plus que logique. D'accord, super. Et jusqu'à présent, tu pratiques les deux danses ou plutôt de la danse brésilienne? Alors je pratique maintenant uniquement de la danse brésilienne actuellement. J'étais prof aussi de danse à un moment donné, je donnais des cours de danse. Et alors c'est très intéressant déjà, on a appris beaucoup de choses et tu es handballeuse. Exactement, j'étais handballeuse à haut niveau pendant des années, je crois que j'en suis persuadée parce que de toute façon j'ai joué au handball jusqu'à mes 5 mois de grossesse. Tu as un enfant plusieurs? Oui, j'ai un fils. D'accord. Un super garçon. Jusqu'à 5 mois de grossesse, j'ai joué au handball. Quoi. D'accord. Et pour finir, tu es infirmière? Oui, je suis infirmière de métier. Maintenant, je suis directrice des soins parce que l'évolution a fait que. Oui. Je suis quelqu'un complètement investi, épanoui. Ce métier est un métier qui est plus que nécessaire et fondamental dans le monde de maintenant parce que effectivement on a besoin d'infirmières et alors je veux pas parler de vocation parce oui. que pour moi être infirmière c'est pas une vocation, c'est un métier oui. point barre, c'est comme être informaticien etc, mais seulement on est dans le service à la personne et voilà, et le bien-être de l'autre. Mais il y a la manière dont on le pratique ce métier, et ce que je vois, enfin ce que je constate, c'est que et dans ton domaine de danse et dans ton domaine professionnel, il y a le fait de prendre soin des autres. Et exactement. C'est ce que je vois. C'est exactement ça. Oui, c'est ce qu'il me semble ouais, en tout cas. Tout à fait. Et est-ce que le bonheur que tu veux partager avec nous a un rapport avec le fait de prendre soin de l'autre? Ouais, complètement. C'est évident. C'est de l'évidence pure et sans tâche. Alors, vous voulez que je vous raconte mon bonheur? Ah ben, avec joie. Alors, mon plus grand bonheur sur Terre, ça a été la naissance de mon fils. Ah oui? Ça a été quelque chose... Alors, je l'ai eu quand j'avais 37 ans. Oui. J'étais à ma 37e année. Est-ce qu'il était attendu? Ben, ça a été une surprise, parce oui. que je suis restée pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai eu mes règles, j'ai eu... voilà, je savais pas que j'étais enceinte. Mm-hmm. Je maigrissais plutôt que de grossir, je prenais pas de poids, je prenais pas de volume, ni ma mère, ni quoi, ni caisse. Donc en fin de compte, c'était parfait, je savais pas que j'étais du tout enceinte. Oui. Jusqu'au jour où le père de mon enfant m'a dit qu'il avait l'impression, il a fait un rêve comme quoi j'étais enceinte. Donc j'ai acheté un test. Ah ouais. Et là, donc voilà. Ah, et quand fort, j'ai ça. Fait, quand j'ai fait mon test, voilà. Oui. Et quand j'ai fait mon test, alors, je vais vous parler un peu cru. J'ai fait pipi sur mon test. Et là, j'ai même pas eu le temps de finir. Voilà, le truc, il est monté frappe, quoi. Oui, il était monté direct. Le taux, il est monté direct. Et comme par, j'ai une sœur qui est gynécologue, obstétricienne et spécialisée en oncologie. Oui. Donc, c'était la valeur assurée. Elle m'a donc fait... D'abord, j'ai fait ma prise de sang qui m'a montré que j'étais à un taux supérieur au niveau des HHT. Et après, quand j'ai fait mon écho, effectivement, j'étais enceinte. Quoi. C'était flagrant. Ceci étant dit, quand j'étais enceinte, donc... Je me dis, c'est super, c'est un super moment, j'étais ravie. Après, je me suis aperçue que je commençais à avoir de la poitrine, donc c'était génial. Moi qui étais une obsédée de me dire, j'avais jamais de sein, etc. Parce que je faisais du 75A, comme les petites filles commençant à avoir de la poitrine. Oui. Et là, je me suis commencé à avoir du 80, du 85, du 90, du 90A, du 90C, du 90D. J'y suis montée à 95, donc c'était royal pour moi et j'en faisais profiter à tout le monde. Qui voulait voir mes seins? Voyez mes seins, quoi. Pour moi, c'était pas à moi, puisque ça m'appartenait pas, parce que c'était accessoire pour un temps, et voilà. Et donc, quand mon fils il est né, enfin, même avant qu'il soit né, toute la période de la grossesse a été un moment phénoménal. Et mon ventre, il est véritablement sorti quand je suis partie au bout de mes 5 mois. Oui. Faire mon carnaval au Brésil, parce que tous les ans je pars faire le carnaval au Brésil. Et quand je suis partie au carnaval, et à partir de ce moment-là, mon ventre il est sorti 2 jours après mon arrivée au Brésil. Mon ventre il est sorti brutalement, quoi. Ah, c'est drôle, ouais, ça. C'est très très drôle. Très très drôle. Et alors, donc est venu le moment ensuite où cet enfant, pardon, est venu au monde. C'est un moment plus que magique. Il y a eu. Je sais même pas quoi vous dire, quoi, parce que quand j'ai eu mon fils, quand j'étais enceinte, ma grand-mère, elle était en fin de vie. D'accord. Et ma grand-mère qui vivait aux Antilles, elle était en fin de vie. Oui. Elle est venue en France et pour qu'on la puisse la soigner, elle s'est trouvée en unité de soins palliatifs. Et donc je l'ai accompagnée dans sa fin de vie. Elle est décédée au mois de mai. Et mon fils, il est né au mois de juillet. Et donc, elle n'a pas arrêté de me toucher mon ventre, etc. C'est avec elle que j'ai choisi son prénom. C'est avec elle que j'ai tout fait, oui. Quoi, avec elle. J'étais plus du tout avec le père de mon enfant, puisqu'on s'était séparés. Quand il a su que j'étais enceinte, on s'était séparés. Oui. On s'est séparés. Mais ça a été, je savais que j'avais une grande famille, j'avais énormément d'amis qui m'entouraient. Et je savais que mon enfant, il allait avoir toutes les représentations masculines possibles autour de lui. Donc en fin de compte, j'étais sereine. J'étais complètement sereine parce que nous, en tant que tati, tonton, on éduque nos neveux et nièces. Oui. Donc ça va de soi. Donc par principe, mes neveux et nièces, ils devaient aussi éduquer mon enfant. D'accord. Et mes oncles, mes frères et sœurs et mes cousins, etc., ils devaient aussi éduquer mon fils. Parce que c'était leur devoir. Parce que c'est comme ça que ça se passe que dans les familles antillaises. D'accord. Ah, c'est génial. Et du coup, la grand-mère est décédée quelques temps avant. Ma grand-mère est décédée exactement au mois de mai. Et elle a pu profiter de moi parce qu'elle n'arrêtait pas de me toucher mon ventre. Elle n'arrêtait pas de toucher mes seins. Parce que comme ça ne m'appartenait pas, donc je donnais à tout le monde. Je dis allez-y. Je montrais à tout le monde que j'avais une grosse poitrine. J'ai jamais changé mes tenues vestimentaires, c'est-à-dire que mes tenues vestimentaires que j'avais sans être enceinte, c'était les mêmes que je portais enceinte, donc j'étais sexy chocolat, quoi. Donc j'avais les gens qui me regardaient, surtout les hommes qui me regardaient parce que j'avais des seins volumineux, et ils me regardaient et moi j'étais ravie parce que de toute façon j'en avais rien à faire, c'était que du ponctuel, quoi. Et quand mon fils il est venu pour naître, ça a été un moment magique. Avant même qu'il naisse, j'ai toutes mes amies, mes copains qui sont venus. Ils ont tous participé. Ils ont refait la maison. Ils ont fait la chambre pour accueillir mon fils. Ils ont fait les peintures. J'avais acheté une commode. Ils ont peint les commodes. Chacun a mis sa griffe. J'ai une de mes amies du Brésil qui est venue du Brésil pour, comme elle savait que j'allais accoucher, elle est venue du Brésil juste avant mon accouchement. Oui. Et chose extraordinaire, elle était comme elle attendait que j'accouchais, qu'elle voyait pas que j'accouchais. Oui. Elle me dit écoute, je m'en vais dans le sud, je vais voir un de nos amis communs. Et donc elle est partie le rejoindre pendant quelques temps, et tous les jours elle m'appelait pour savoir, et je lui dis non, ça va, et si bien que quand j'ai accouché, elle n'était pas là. Et justement, alors le jour de l'accouchement, tout s'est bien passé? Le jour de l'accouchement, ça a été rock'n'roll, très marrant. C'était très très démentiel, dans le sens où j'avais la marraine de mon fils qui avait organisé un système pour que pour avoir un système relais, pour que les gens, comme quoi, elle, moi je l'appelais, elle appelait telle personne, etc. Et en fin de compte, j'avais tout un posit, j'avais au moins 10 personnes qui étaient en train d'attendre que j'accouche. J'ai mis 26 heures pour accoucher. Et en plus, je croyais que j'allais accoucher normalement, comme tout le monde, quoi. Allez-y, madame, poussez. Oui. Non, césarienne, parce que j'avais un œdème du col. D'accord. Et que mon fils, il était en souffrance au niveau de sa sortie. Donc j'ai eu une césarienne. Le chirurgien que j'ai eu, qui était un homme extraordinaire, et je me rappellerai toujours, parce qu'en fin de compte, il était je lui dis comme ça, à un moment donné, je lui dis, ouais, mais moi, je veux recommencer à danser, je veux que vous me fassiez une belle cicatrice, je veux remettre mes maillots bas brésiliens, je veux que la cicatrice, elle soit top top. Et à ce moment-là, il a dit, allez, Monique, ferme ta bouche. Il a dit à l'anesthésiste, vas-y, shoot là, pour qu'elle se teste, parce que là, c'est bon, quoi. Ah oui, donc ça n'a pas dû être des moments faciles au début, mais du coup, l'enfant, tu ne l'as pas vu sur le coup? Si, je l'ai vu sur le coup. Si, ils me l'ont montré, mais très brièvement. D'accord. C'était pas des moments faciles. Pour moi, ça a été que du bonheur. Quand même. Donc, ça n'a pas du tout été un moment difficile. En plus, j'avais des contractions qui étaient très complexes, parce que j'avais des contractions circulaires. Ça passait d'un côté et ça allait de l'autre. Oui. Et ça a été, ces contractions, elles étaient très, très compliquées. Et je me rappelle quand l'anesthésiste, il m'a fait une anesthésie, qu'on appelle ça? La péridurale. Quand il m'a fait la péridurale, je lui dis, oh docteur, je vous aime. Je dis, vous m'avez soulagée. Et après, quand il est né, c'était magique, parce que quand il est arrivé au monde, j'ai des amis qui sont venus du Brésil, j'ai des amis qui sont venus de Normandie, j'ai des amis, mes amis de Paris, qui sont, tout le monde est venu. Le père de mon fils était à mes côtés, parce que je lui ai octroyé la possibilité d'être à mes côtés pour assister à l'accouchement. D'accord. Et ma mère, elle était plus que ravie. Et après, il y a tout ce qui a été organisé par mon entourage, par la marraine de mon fils et par ma sœur aînée qui est gynécologue obstétricienne qui m'avait suivi. Oui. Ah, j'ai oublié une époque aussi, parce qu'il y avait un de mes amis du parrain de mon fils actuel, oui, qui était radiologue, oui, et c'est lui qui m'a fait la première échographie morphologique. Et comme j'étais toujours en train de chercher le prénom que je voulais trouver à mon fils, et moi je trouvais que Nathanaël, c'était un super beau prénom, oui, et lui il est d'origine juive. Et il m'a dit, mais Nathanaël, c'est le plus beau, moche prénom juif existant sur Terre. Je lui dis, mais je l'adore. Il m'a dit, non, tu l'appelles pas comme ça, ton fils. J'ai dit, bon, d'accord, ok, ça marche. Et ma grand-mère aussi, parce que je voulais lui donner le prénom de mon père. Et elle m'a dit, non, il y en a eu un, il n'y en aura pas deux, tu l'appelles pas comme ça. Je lui dis, est-ce que je peux lui donner comme prénom, en deuxième prénom, en troisième prénom? Elle me dit, ce que tu veux, en deuxième, troisième prénom, ce que tu veux, mais pas en premier prénom. D'accord. Et son prénom, le prénom de mon enfant, j'ai cru complètement innover son prénom, parce que j'ai pris le prénom de ma mère, oui, que j'ai, parce qu'il s'appelle Mi-Hollande, mm-hmm, et j'ai enlevé des lettres, oui, et j'ai trouvé Yolan, et j'ai dit, ah bah, on va la faire à Yolane. Et j'ai cru que c'était complètement innovant, et absolument pas. C'est pas du tout innovant, ça existe, c'est purement breton, Johan, Yolande, etc. Mais voilà, exactement. Ah bah, l'essentiel, c'est qu'il soit là, et c'était ça le bonheur, en fait. Enfin, finalement, tu disais au début que c'était la naissance de ton fils, mais finalement, c'était ce qu'il y avait tout autour, et avant, et pendant, et après, et tout l'amour que tu as pu recevoir des uns et des autres. Ouais, exactement. Et la sérénité aussi dans laquelle ça s'est faite, malgré la séparation. Exactement. Et en plus, surtout, parce que cet enfant, il est amour. Oui. Et c'est ça qui est génial. Il a quel âge aujourd'hui ? Maintenant, il a 19 ans et il est toujours amour. Wow. Il est toujours présent. Et maintenant, on a une espèce de complicité. On a toujours une complicité phénoménale. C'est un gamin qui... Moi, c'est vraiment l'enfant que je souhaite à tout le monde. Parce que c'est un enfant qui accepte tout, qui est hyper permissible, qui est disponible, qui est à l'écoute, qui est, qui a une générosité mais grandiose. Ouais. Et j'espère que tout le monde puisse connaître ça. Et mon seul regret, c'est d'en avoir qu'un seul, quoi, parce que j'aurais voulu en avoir deux autres, trois autres, quatre autres, oui, parce que j'aurais voulu avoir 8 enfants. Mon rêve, ça aurait été ça. Au moins, il est déjà et là, et voilà. Il vaut bien 8 enfants. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, non, pas 8 enfants, tout à fait, mais bon, bref, il en vaut quand même quelques-uns, mais pas 8, mais il en vaut quelques-uns. Il comble ma vie au quotidien, et je souhaite à tous de rencontrer ce bonheur qui est permanent et qui est éternel. Et franchement, je crois que la vie vaut d'être vécue, et que un enfant, c'est quelque chose. J'ai plein d'autres moments de bonheur, mais celui-ci, c'est le plus beau moment. Ouais. Et quand j'ai besoin de rechercher une image positive, c'est celle-ci que je retrouve. C'est le visage de mon fils à la naissance, après, etc. Et ça, je le souhaite à tout le monde, parce que c'est un moment magique. Waouh, merci. Et pour ceux qui ont, après tout ça, envie de connaître Yolan, ben, vous pourrez écouter son épisode quelques temps avant, qui était l'épisode d'avant, et vous verrez qu'effectivement, je confirme, pour l'avoir eu quelques minutes, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment bien. Ouais. Merci pour ce beau témoignage. Et merci à vous. Ben, de rien, et qui va encourager pas mal de gens, ou les voir avoir autrement leur enfant. Exactement. Parce que parfois, et autrement la vie. Parce que c'est pas que l'enfant, hein, c'est aussi la vie. Exactement. Hein. Parce qu'en fin de compte, vous apercevez un enfant vous donne quelque chose, parce que c'est ça. Ouais. Moi, je savais pas ce que c'était aimer, je crois. Et en fin de compte, j'ai su aimer véritablement quand j'ai eu mon fils, parce que c'était de l'amour pur et sans tache. Et ça, c'est quelque chose de riche, et ça, c'est quelque chose de puissant. Et cette puissance-là, il faut la vivre, il faut la connaître, et je vous souhaite à tous de la vivre et de la connaître, parce que c'est quelque chose de magique et de sublime. Waouh. Ben, écoutez, après tout ça, moi, je n'aurais rien d'autre à ajouter. Sauf juste, au revoir. Voilà, éventuellement, puis à souhaiter cette jolie famille, hein, de continuer à prendre soin de vous deux, hein, de l'un et de l'autre, de la vie. Et puis, si vous voulez paraître 20 ans de moins, soyez danseur, handballeur et que sais-je. Prenez la vie comme elle vient, parce que de toute façon, la vie, elle est magique à vivre, il faut la vivre. Il ne faut pas, vous savez, de toute façon, dans la vie, on a des travers, on a des situations qui sont complexes, mais c'est normal, c'est pas grave. C'est-à-dire que il y a toujours des solutions à tous ces problèmes. Il y a toujours des possibilités d'améliorer les choses. Et les choses que vous pouvez améliorer, c'est dans votre cœur et c'est dans votre tête. Et surtout de croire en je sais pas quoi, quelque chose d'autre, mais de croire de façon permanente et éternelle. Et cette façon de croire va vous donner de la puissance supplémentaire et va vous emmener au-delà des étoiles. Donc soyez des étoiles, soyez des lumières. Et voilà. Et je vous dis au revoir et je vous aime. Ciao. Waouh, à très bientôt. Et puis n'hésite pas à revenir, surtout si tu as un bonheur à nous conter, ce sera avec un très très grand plaisir, et à très très bientôt. Exactement. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur.